Bonsoir à tous. Bonsoir les amis. J'espère que tout va bien, que vous avez passé une belle journée, que vous vous éclatez toujours avec vos cadeaux de Noël. Hein, c'est vrai, non. Ils sont pas cassés. Généralement, si le cadeau de Noël tient pas deux jours, c'est que c'était pas un bon cadeau. Hein. J'espère que vous allez bien. Et on commence déjà à préparer le réveillon. Là. Ouais. Le réveillon du 31 au soir. D'ailleurs, on va demander à l'équipe ce que vous allez faire là pour le 31. En tout cas, on est très content de passer cette soirée avec vous jusqu'à minuit avec les meilleurs moments de Love in Fun. Bonsoir, Doc. Bonsoir. Alors, tu vas faire quoi, toi, à ton réveillon du 31? Je ne sais pas, c'est surprise. C'est surprise. Il y en a plein aussi qui trouve le truc à la dernière minute, quoi. Je sais que, enfin, c'est mes amis qui organisent quelque chose à Los Angeles. Oh, Los Angeles. Avec mes amis qui eux-mêmes connaissent plein de DJ dans plein de soirées. Chiant le mec. Il va encore faire la soirée chez Rihanna, celui-là. Avec sa vie de rêve. Ouais, j'étais avec Gillo hier soir. Je me suis fait chier, alors je suis allé voir Riri. C'est ça. Je sais pas où je fête Nouvel An, ça dépend où mon jet se pose. Dans quelle piscine je suis, là. Ah putain, c'est bon ça. Et toi, Alice, tu vas faire quoi? Moi, je fais la tournée des soirées. C'est-à-dire que voilà. Tu fais une petite tournante. C'est ça. Non, pas la tournante. Ah, pardon, une tournée, bien sûr. Non, pas cette année. En fait, j'ai pas mal de potes qui font des soirées. Je sais pas quelle soirée choisir. Donc, vu que moi, je suis Sam, je prends la voiture et puis on fait voilà la tournée toutes les soirées près de chez moi. C'est génial, ça. Mais oui. Bon, alors, au moment où on enregistre cette émission, je pense toujours pouvoir passer le 31 décembre avec toi. Mais j'ai l'impression que je suis toujours en Bretagne. Oui, j'ai l'impression que de toute façon, c'est pas prévu dans la tournée des soirées. Il y a un truc qui est pas prévu, tu vois, c'est ça. Ah, d'accord. Mais moi, je suis en Bretagne. Je vais fêter le nouvel an, la nouvelle année avec mes meilleurs potos, Johan, tout ça, quoi. Ah ouais, ça va picoler d'abolé de cidre. Avec ça, modération. Des chouchènes. Écoute, on aurait bien besoin de ça, Malice. Hein? Je te le cache pas. Je peux pas être partout. Hein. Profitez bien, en tout cas. On va passer une belle soirée encore ce soir avec les meilleurs moments de Love in Fun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous a compilé, comme ça, en deux heures, tout ce qui a été le mieux dans cette émission. Le must du must. Ça a été une semaine spéciale et franchement, on s'est régalé. D'ailleurs, merci pour tous les retours qu'on a eus. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Vous kiffez bien l'émission. Vous préférez même l'émission en best-of plutôt qu'en vrai tous les soirs. Il est con celui-là. Je plaisante bien sûr. Allez, on commence tout de suite cette émission jusqu'à minuit avec Kevin qui nous avait appelé parce que sa copine se laissait aller. Elle sentait très mauvais de la foufina. Petit problème d'odeur au niveau de la fouf. Aïe. Bien évidemment, quand il y a un problème de fouf, il y a Doc à la rescousse. Restez bien avec nous puisqu'on a arrangé les choses. Et ça commence maintenant le best-of de Noël de Love in Fun. C'est maintenant. Le best-of. De 22h à minuit sur Fun Radio. Kevin, c'est notre premier auditeur ce soir. Bonsoir Kevin. Salut tout le monde. Salut. Comment tu vas Kevin? Moi ça va. T'as passé un bon week-end toi? Ça va pas trop. Oula. Voilà, tu vas nous expliquer pourquoi ça va pas trop ce soir. Dis-nous tout. Ouais. Bah en fait voilà, j'ai un problème avec ma copine qui s'appelle Axel et en fait elle pue de la chatte. Ah ouais, c'est-à-dire, elle pue de la chatte. Et toi, tu sens pas mauvais du zboob? Bah non, parce que je pense pas. En tout cas, elle me l'a jamais dit. Mais moi, et toi, tu lui as dit? Non, justement, j'arrive pas à lui dire en fait, parce que non, mais sérieux, elle pue vraiment de la chatte. Genre, des fois, genre, je mets des doigts et tout, genre, je sens les doigts, ça pue le poisson, tu vois. C'est d'accord. C'est dégueulasse. Enfin, je sais pas. Genre, ça, du coup, ça me coupe l'envie, tu vois. Genre, ah oui, vraiment, tu m'étonnes. Même quand elle met des fringues et tout, genre, des fois, elle s'assoit à côté de moi, genre, ça pue. Ah ouais, à ce moment-là, elle doit avoir un problème. Même mon chat, quand il vient se passer, il se barre. Et donc, c'est possible d'avoir une odeur très très forte au niveau de la fouf. Tout à fait, ça il y a des odeurs corporelles qui sont plus fortes chez certaines personnes que chez d'autres, ça peut être comme ça. Ouais. Après, il peut y avoir aussi sa propre sensibilité à une odeur en particulier. Donc ouais. Tu peux peut-être, Kevin, être plus sensible toi à son odeur à elle. Et donc évidemment, dans ce cas-là, ça match pas vraiment bien. Moi, j'avais une copine qui avait un souci comme ça et tout, et je m'étais fait la même réflexion que toi, Kevin, mais elle avait un problème. Hein. Elle est allée voir sa gynéco, elle avait une mycose. Ah oui, alors là, évidemment, ça sent encore plus. Donc évidemment, faut faire le tri entre l'odeur corporelle classique et puis ensuite quelque chose qui est de l'ordre du pathologique. Mais normalement, quand il y a une odeur qui n'est pas normale, il y a d'autres signes également. Ça peut, chez la femme en tout cas, démanger ou y avoir des pertes. Bon, ça normalement elle le sait, en général elle s'en rend compte et elle va voir le gynéco. Donc et puis c'est temporaire, c'est transitoire. Tu la connais depuis quand, Axel, Kevin? Deux ans. Et ça fait 2 ans que c'est exactement pareil tous les jours? Non, avant ça sentait pas, mais après ça laisse aller parce que genre moi aussi elle s'épile plus trop souvent et tout, du coup c'est assez touffé, on va dire. C'est pas parce qu'elle s'épile pas qu'elle se lave pas, hein, ça a rien à voir avec l'hygiène. Enfin même elle se néglige en fait, tu vois, se néglige, genre j'ai l'impression fait 2 ans qu'on est ensemble, bah genre elle croit que c'est acquis et du coup voilà genre. Ou peut-être qu'elle en a plus rien à foutre de ta gueule. Eh ouais. Ouais, peut-être, mais non. Quand même. Plus de la crevette, ça a plus poiscaille, quoi. Crevette pas fraîche, quoi. C'est... Ah ouais. Après, elle a peut-être un souci de santé. Ça fait combien de temps que tu trouves que ça s'est mis à sentir? Ouais, ça fait un bon mois et demi, ouais. Oui, c'est récent quand même. Donc oui, c'est possible qu'il y ait temporairement... Un mois et demi, je peux te dire, c'est long. Oui, c'est toujours trop long. Elle a peut-être oublié un tampon. Ah non, mais non, ça peut arriver, ça. Oui, il y a des filles qui, des fois, oublient un tampon. Moi, une fois, c'est horrible ce que j'ai raconté. Oui, une fois, j'ai oublié un tampon dans ma chatte. Oui, mais ça faisait genre qu'une heure. C'est-à-dire qu'en fait... Non, enfin, ça faisait pas qu'une heure, mais c'est-à-dire que j'ai mis un tampon et 10 minutes après, j'ai remis un tampon. Tu vois, Genre j'avais oublié que j'avais mis un tampon, tu vois. Donc le truc de ouf. Et quand j'ai enlevé mon tampon et que j'ai vu qu'il y avait une autre ficelle, je me suis dit, waouh, c'est quoi le délire, quoi. Ah ouais, ouais. Donc comme quoi, tu peux en oublier un, puisque tu peux en mettre 2. D'accord, mais si on oublie un tampon, ça peut s'infecter le truc, j'imagine. Enfin, oui. Ah ouais, ouais. Et Kevin, tu lui as même pas dit? Non, je sais pas comment lui dire, en fait, parce que j'ai peur de la vexer aussi, tu vois. Bah, on va lui dire. Oui, après, voilà, faut être gentil, rond. Si c'est temporaire, parce que ça fait que si un mois et demi, faut dire, tiens, moi j'ai remarqué ça, tu le dis avec toute la rondeur et l'amour que tu peux. Ouais, Louis, notre auditeur du soir, qui a fait de la radio avec nous, là, jusqu'à minuit, tu t'es déjà confronté à une odeur pas top? Bah non, ça m'est jamais arrivé, moi. C'est toujours frais, hein, c'est toujours magnifique. Toi, t'es toujours frais. Ah. J'ai plus la mort, là. Non. Ah, moi, j'ai une petite question pour les mecs, hein, parce que là, on parle beaucoup des filles, mais faut dire que les mecs, au bout d'une journée de pipi intensif, etc. Sans s'essuyer, surtout. Qu'on les goûte ou qu'on les frite, la dernière goûte est pour le slip. Ouais, plus pour la bouche. Non, mais bien sûr. Et on est bien d'accord, Louis, Kevin, qu'à la fin de la journée, si t'as pas une petite lingette, y a pas de pipe, quoi. Ouais, mais moi, à la fin de la journée, je me lave. Ah oui, mais elle se lave pas, en fait, c'est ça? Comment? Mais elle se lave pas, en fait, c'est ça, on dirait, parce que si... Non, je sais pas, quand elle va sous la douche, je sais pas ce qu'elle fait, mais la vérité, c'est genre... ça pue la crevette. Mais là, tu devrais lui dire, mais comme si tu t'inquiétais, tu vois, en mode, écoute chérie, c'est pas exactement la même odeur, donc je m'inquiète, est-ce que t'aurais pas chopé un truc? Tu lui dis que t'écoutes Love in Fun tous les soirs, entre 22h et minuit, que t'as entendu dire que ça pouvait être signe d'infection et que tu t'inquiètes pour elle, quoi. Le savon Intima, Kevin. Tout est dans le savon Intima. Tu verras, c'est un savon magnifique pour ta toilette intime. Ah mais alors moi, depuis que j'ai essayé ce savon, c'est incroyable. Ah ouais. Ah mais bien sûr. Et pour ta flore vaginale, j'imagine. Ah mais complètement. Non mais ma flore d'anus. On va en parler. Tu sais quoi, Kevin? On va appeler ta copine dans un instant. T'es d'accord ou pas? Waouh, vous êtes chaud. Ah ouais, bah. Bah t'as laissé son numéro, donc c'est que t'es chaud. Ouais. Je pensais pas que ça allait le faire, mais. Bah c'est toi qui choisis. Bien sûr. À partir du moment où tu donnes ton numéro, pas le numéro de téléphone de ta copine, forcément, on est amené à l'appeler. Hein. Ah oui, on comprend que t'as besoin d'aide. Vous êtes déter. On est là pour vous. Pendant les vacances. De 22h à minuit. Retrouvez les meilleurs moments de Love in Fun sur Fun Radio. Restez bien avec nous dans un instant sur Fun Radio. On appelle sa copine, hein, bien sûr, hein, vous le savez, hein, après une petite dose de conseils, on finit toujours par appeler la personne concernée parce que c'est quand même la personne qui est à l'origine du problème qu'il fallait absolument avoir au téléphone. Et je peux vous dire qu'on l'a eu et on n'a pas été à l'abri de nos surprises. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. Fun live. Ça c'est en 2019 avec Fun Radio. Vivez le Party Fun live depuis Avoria 1800 en direct sur Fun Radio. Salut, c'est Azlove. Salut, c'est Matt. Imaginez la neige, une ambiance de dingue, du son de ouf et vous. Dès 22h, fêtez le réveillon sur les mix de Matt et Azlove. Party Fun Live, depuis Avoria 1800, c'est sur Fun Radio. Salut, c'est Bruno sur Fun Radio. Vous êtes prêts pour les fêtes de fin d'année? Les cadeaux, c'est fait, les teufs avec les potes sont calés et bien sûr, vous avez votre Sam. Oui, Sam, celui qui conduit, donc celui qui ne boit pas. Et à partir du 7 janvier, je paye les factures de Sam tous les matins à 8h10. Alors envoyez-moi vos factures d'essence, de taxi, vos billets de train ou même votre nuit d'hôtel à facture@funradio.fr.

l'intime, quoi. Donc, je comprends pas. Okay. Alors, parfois, ce que les gynécos disent, c'est que si on utilise toujours le même, il peut y avoir des déséquilibres de la flore vaginale et ça peut occasionner ce genre de choses. Donc parfois, ils recommandent de changer régulièrement de savon pour la toilette intime. Voilà, bon. Petit conseil en plus. Oui, de parfois, doc, parfois. Mais c'est à aller voir avec le gynéco. Voilà. Et puis des fois, on n'est pas conscient de sa propre odeur. Hein. Ah, absolument. Axel, on te repasse Kevin en antenne, vous discutez un petit peu tous les deux. Louis, c'est chaud ce début d'émission, hein, notre auditeur du soir. Là. Ah, il est magnifique, c'est magnifique. Allô, il est au spectacle. Oh, je me régale depuis le début. Oh, vraiment. Le best-of. De 22h à minuit. Sur Fun Radio. C'est Love in Fun sur Fun Radio. Dans un instant, on sera avec Alex, 14 ans de Paris, qui stressait pour sa première fois. C'est qu'ici, vous pouvez venir prendre votre dose de conseils pour tous les sujets. Et la première fois, on fait partie. Vous étiez d'ailleurs très nombreux à avoir réagi à l'antenne, à lui donner des conseils et aussi à nous parler de votre première fois. Girl, why'd you bring it to a ride? She didn't look good in the moonlight. All this person was on my mind. Spotlight, moonlight. Girl, why'd you bring it to a ride? She didn't look good in the moonlight. All this person was on my mind. Spotlight, moonlight. Girl, why'd you bring it to a ride? She didn't look good in the moonlight. All this person was on my mind. Feel like I'm destined. I don't need no Smith & Wesson now. Girl, who you testing? Fuck is catching, here's your lesson now. Life in the testing, taking shots with all your brethren now. Feel like I'm dead, feel like you want to plan. All alone, call my phone, make me feel right. Girl, you know when you call, make me feel right. All alone, call my phone, make me feel right. Girl, you know when you call, make me feel right. Radio. Bonsoir Alex. Bonsoir. Salut. Bonsoir Alex. Salut. T'es un petit peu essoufflé, tu t'es masturbé? Très drôle. Comme il t'a envoyé chier quoi. Ah j'adore. Non mais excuse-moi Alex, mais c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Non c'est rien. Non, je me sens de moins en moins bien, mais ça va aller. Qu'est-ce qui se passe? Non, je me sens juste un peu mal. Bon, j'ai tout, nausée, céphalée, RGO, bon, j'ai tout. Ah, t'es malade ? Ouais, bah, c'est du stress en réalité, mais... Ah, mais du stress, à cause de quoi ? Ouais, c'est un petit problème perso. Bon, ça n'a rien à voir pourquoi je vous appelle, donc je pense que... Mais on peut en parler, on est là pour ça, hein. Et bien sûr, c'est quoi tes problèmes de céphalée ? Ouais, mais en gros, bon, tout ça, c'est lié à du stress. En fait, j'ai eu un léger souci avec une amie à moi, et je sais pas, depuis, bon, c'est juste quelques jours, elle me fait la gueule... Et maintenant, elle a une mauvaise opinion de moi, elle veut plus me parler, elle m'a supprimé son numéro et je suis stressée parce qu'en plus, elle l'a très mal pris. et je m'en veux quand même. Ah, oh, t'es trop perturbée, ça se voit. C'est qui, c'est... voilà, et ça me met mal, parce que demain, je vais la revoir et je sais même pas comment ça va se passer, je m'en veux, quoi. Bon, alors, je vais te dire, Alex, à la base, il nous appelle parce qu'il est flippé à l'idée de faire sa première fois. Et j'imagine que ouais, c'est bon, pas... ça n'a rien à voir, mais... Ça n'a rien ah à non, voir. Non, mais c'est quand même du stress. Ouais. Mais tu t'es embrouillé avec une de tes potes, Alex. Ouais. Ah, et pourquoi tu t'es embrouillé avec elle? Oui, ben c'est qu'en fait, sans faire exprès, j'ai fait fuiter involontairement une info qu'elle m'avait dit. Et ensuite, vu que j'ai vu que les deux parties qui étaient concernées par cette info, hormis moi, avaient été entrées en conflit, et ben il se pourrait que j'ai fait une expérience de comportementalisme sur l'être humain. Oula. Mais attends, t'es Dexter? T'as un labo sous ta chambre, hein, ou quoi? Il est bon. Tu veux être doc, toi, plus tard, toi. Tu veux être médecin, toi. Hein, il veut faire mentaliste. Ouais, c'est ça. Bon, et Alex, bon, et tu sais quoi, si jamais t'as besoin de nous pour appeler ta copine et essayer d'arrondir les angles, on pourra le faire. Ça, y a pas de problème. On va se concentrer sur ce pourquoi tu nous as appelé ce soir, à savoir être flippé à l'idée de faire l'amour pour la première fois. Ouais. Alors que c'est un bonheur incroyable. C'est vrai. Ouais, bof, quand on écoute toutes les premières fois des gens, bon, bah, surtout que c'est un gros flop dans presque tous les cas. Alors, parce qu'ils ne nous ont pas appelés et qu'ils se sont précipités, souvent. Mais c'est vrai, il y en a des fois, c'est pas une bonne expérience. Il y en a pour qui c'est pas une bonne expérience, il y en a pour qui ça se passe merveilleusement bien, oui. Comme pour ma première fois à moi. On le faire quand t'es prêt. Bien sûr, il y a des petits conseils qu'on peut te donner. Est-ce que ça risque d'être d'ici combien de temps ta première fois, Alex? Il y a des chances que ce soit peut-être dans une semaine. D'accord. Bon, d'ici là, t'auras gagné un peu en détente et en relaxation. Tu seras moins stressé vis-à-vis de ta copine avec qui ça se passe mal en ce moment, j'espère. Ouais, bof, je sais pas. Bah, c'est bien d'être dans un contexte un peu cool, quoi. Parce que si déjà t'es stressé, et en plus que tu as l'air d'être affecté par le stress, bon, ouais. c'est pas les meilleures conditions pour aller à une première fois. Mais en même temps, peut-être que ça te détendra complètement parce que tu seras préoccupé par autre chose. Parle-nous un petit peu de cette fille-là. Ouais, bah, en gros, ben, c'est juste ma petite amie, en gros. Ouais. Elle passera à la maison à un moment et j'ai peur que ça dérape et que, bon, faut faire des fins, quoi. Vous avez déjà fait des trucs ensemble ou pas? Non. Ouais, bah, ça va pas déraper. Mais t'en as envie? Est-ce que t'en as envie? Ouais, quand même, mais moyen. De toute façon, enfin, il faut savoir que quand même, à moins dans certains cas, quand c'est sa première fois, elle aussi. Ouais. Parce que souvent dans ces moments-là, enfin, les filles attendent quand même que le premier pas vienne du garçon, quitte à leur fouler, tu vois. Donc je pense que c'est toi aussi qui va aller vers elle. Ah, c'est pour ça que je me fais tout le temps fouler. Quitte à se faire refouler. Non mais c'est vrai. Il faut une seconde fois en fait, mais quand il y en a pas. Souvent les filles laissent un peu le mec gérer ce genre de choses, quoi. Enfin venir vers nous, on aime se sentir désiré, surtout quand c'est la première fois. Mais si on n'est pas prête, bon bah voilà, faut pas aller plus loin. Donc là dans ton cas, j'ai la sensation que c'est quand même toi qui va un peu aussi décider de ça. Tu en feras partie en tout cas de la décision. Et c'est normal. Et vu de la façon dont tu nous en parles, tu n'as pas l'air du tout prêt pour le faire. Oui, tu sais, Alexis. Honnêtement, ouais. Ouais, vas-y. Honnêtement, j'étais prêt à un moment, sauf qu'en fait, il y a eu une discussion avec justement une camarade à moi, celle avec qui je m'étais brouillée. J'ai eu une discussion avec elle et ça m'a totalement bloquée en fait. Et c'était qu'en fait, elle m'avait raconté que si elle avait couché avec un mec et qu'il n'y arrivait pas, eh ben elle simulerait. Et je sais pas, ça me dégoûterait totalement qu'elle simule. Ouais, mais alors, n'importe quoi. Ouais, bon, écoute, on n'en est pas là. Oui, voilà. Vous en êtes jamais pas là. Personne n'a simulé avec moi, j'en suis sûr. Vous en êtes pas là du tout. Tu verras bien quand ça va se présenter. Je crois que la meilleure des choses, c'est de voir sur le moment si tu sens que tu as envie. Et si tu as envie, ok, fais un geste. Avance, l'embrasser, bouger un peu. Bah, fais un geste, Doc. Bah, voilà, en plus, tu fais quelque chose. Tu m'as montré ton doigt, donc. Tu sais jusqu'où t'es allé jusqu'à présent. Va un petit peu plus loin, mais doucement, très très gentiment et très doucement. Et puis tu verras comment elle est. Si elle est pas réceptive, bah voilà, vous pouvez vous arrêter là. Si c'est pas pour cette fois, ça sera pour la fois d'après. Si toi tu te sens pas à l'aise, que tu te sens stressé, je sais pas quoi faire, je sais pas, bah le fais pas. C'est mieux, voilà. Et puis prenez votre temps. Il y a aucune urgence. Hein. On va prendre beaucoup beaucoup de réactions dans un instant sur la première fois, justement votre première fois. Vous êtes très nombreux à nous appeler et tu vas voir, Alex, j'en suis persuadé, il y a quelques premières fois qui se passent très très bien. En tout cas, on demandera à Pablo.

de 22h à minuit sur Fun Radio. On va retrouver Alex, il a 14 ans, il est de Paris. Il est stressé pour sa première fois là. A priori ce serait d'ici une petite semaine, hein. C'est ça Alex, hein? Ouais. Alors tu nous as dit là, il y a quelques minutes, que en fait t'étais surtout stressé à l'idée qu'elle puisse simuler. Ouais, je sais pas pourquoi, ça m'a fait un blocage, je sais pas pourquoi. Alors, il faut le rassurer là-dessus, Doc Alice. Déjà, moi, personnellement, je pense que le premier rapport sexuel, t'as dit que ça serait sa première fois, ce serait sa première fois elle aussi, elle n'aura pas forcément d'orgasme, tu vois, parce qu'il va y avoir trop de stress, trop de pression, mais elle pourra passer un super bon moment avec toi, prendre du plaisir, mais pas forcément aller jusqu'à l'orgasme, tu vois, parce qu'il y a le côté un peu cérébral qui va prendre le dessus sur cette situation et qui va faire qu'elle va avoir du mal à lâcher prise et aller jusqu'à cette sensation-là. Mais c'est pas pour ça que la deuxième, la troisième fois, les autres fois, ça va pas être super avec toi. Donc, te stresse pas par rapport à ça. Et comme toi, Alex, la première fois, ça peut aussi venir très vite. L'éjaculation peut être rapide. Voilà, faut pas s'en faire. C'est normal. Ça arrive à beaucoup de mecs la première fois. Bon, bah, c'est pas grave. C'est normal. T'es très excité. Voilà. Bon, faut pas s'inquiéter. Pour ça, l'important, c'est vraiment, effectivement, de passer un bon moment. Pour ce qu'il est, l'important c'est d'aller un peu plus loin que là où vous êtes allé et faire que ce moment soit agréable avec les petits défauts qu'il y aura peut-être. Bon, pas très grave, ça sera peut-être pas la perfection, mais déjà vous aurez franchi un cap et puis vous verrez pour la fois d'après. Bon, après tu peux aussi la faire jouir et puis bander pendant 40 minutes et ne pas jouir. Hein. Ah ouais. Ça peut aussi arriver. Hein. Ah oui, tout est possible. Il faut pas que t'imagines le grand truc non plus, quoi. Mais au moins c'est bien parce que tu penses à elle. Tu vois, tu penses déjà à elle avant de faire quoi que ce soit. Donc c'est quand même plutôt rassurant. Tu comprends tout ça, Alex ? Ah oui, il y a pas de problème. Bon voilà, et le plus important c'est d'être avec elle, voilà, et de prendre soin d'elle, quoi. De penser à son plaisir. Ok. On va accueillir Xavier. Il va nous raconter sa première fois. Vous êtes nombreux à nous appeler là pour témoigner sur votre première fois. Comment ça s'est passé? Ah, il y a des bons souvenirs et il y a des mauvais souvenirs. Ah ben. Hein, Xavier, c'était un bon ou un mauvais souvenir, toi? Très très bon souvenir. Bonsoir à tous. Bonsoir Doc. Bonsoir. Salut. Salut. Bon, bonsoir Xavier. Tu pratiques la sexualité depuis combien d'années? Alors, 4 ans. Ah, 21 ans ta première fois, dis donc. 22. Ah, 22 ans ta première fois. Avec un homme ou une femme? Avec une femme, bien sûr. Et d'accord. C'était par choix que t'as attendu jusqu'à 22 ans ou ça s'est, enfin, voilà, ça s'est pas présenté non, avant? Non, ça s'est pas présenté avant et en plus j'étais fort timide. Enfin, okay. Je suis toujours un petit peu quand même. Ok. Alors, vas-y, raconte-nous, qui était cette fille? Alors, ben moi, c'est en retour de soirée, soirée festive. Hein, on revenait d'une fête de, soit une bonne soirée connue sur la région. Ouais. Et je lui ai fait un aveu. C'est une amie qui est encore. Hein, je lui ai dit, voilà, je cherche dans mon cercle d'amis une fille avec qui je pourrais devenir sex friend en fait. Et de là, elle a acquiescé. Elle a juste dit, ok. Et je l'ai raccompagnée chez elle à ce moment-là. Et elle m'a dit, ben tu viens boire un verre. Et là, je savais que la soirée, elle allait être cool, quoi. Ouais, et tu devais être un petit peu stressé, du coup. Exactement, oui, c'est même pas... Enfin, c'est elle qui a commencé, c'est même pas moi. J'étais assis sur le clic-clac et elle s'est retournée vers moi, elle m'a dit, bon, tu commences ou je commence? Parce que là, on va pas commencer à compter les minutes, quoi. Ouais. N'empêche, pour quelqu'un qui est timide, c'était déjà pas mal d'arriver à dire, ah bah, je cherche une sex friend autour de moi, bravo. C'est un aveu que je faisais à une amie, en fait, au départ. Oui, bah oui, c'est pour ça, en fait. Continue. Je l'aurais pas dit à la première inconnue dans la rue, en fait. Ça, t'es sur le clic-clac, là. Ah, mais Karel, il est déjà chaud patate. Mais grave, je te vois sur le clic-clac, là, j'attends, là. Eh ben, je vais faire très bref. On a prends ton temps, non, tu fais bref chez les autres. Chez nous, tu prends ton temps. Hein, Xavier, raconte ton histoire. C'était vraiment comme les films à moins de 16. On l'a fait vraiment film érotique. On s'est déshabillé l'un l'autre et vraiment, on s'est jeté sur le clic-clac, comme t'as dit. Et c'était fougueux. Et même pour pimenter la chose, si tu veux savoir aller jusqu'au bout, au bout d'un moment, j'étais en train de lui faire un joli petit cuni. Elle m'a chopé la tête, elle m'a relevé d'un coup et elle m'a dit, c'est ta première fois vraiment? Bah oui, vraiment, attention, je ne me vante pas, c'est véridique, je serais prêt à le jurer devant un juge. On te croit. Elle m'a dit, c'est ta vraie première fois? Je fais, bah oui. Elle m'a fait, parce que ce que tu me fais là, c'est pas des manières d'une personne qui dont c'est sa première en fait. Ah oui, mais parce que t'avais l'âge que t'avais aussi. T'as dû en mater des films de boules jusqu'à tes 22 ans. Ah, pour, bah oui, bien sûr. Merci Alice, t'as compris. C'est exactement ça. Oui, et puis t'étais en confiance aussi avec oui, elle. Oui, c'est ça. T'as pu te lâcher et y mettre tout de toi et te laisser aller. Exactement, oui. Ouais, j'ai savouré les choses profondément, comme on peut dire. Et bah alors après le petit cuny, vient la pénétration. Ah, alors là... Ah, le rentrer dans la cheminée, c'est magnifique. La cheminée, quoi. Non, mais les gars, vous avez pas d'autres trucs que ça, sans déconner. Ah, putain. Ah, sincèrement, Alice, je l'ai ramonné, hein. Putain. Oui, non, mais en même t'en temps, as pris de l'assurance, hein, depuis, hein, je te le dis, moi. Ah, ouais, donc tu as ramonné sa cheminée, c'est ça? Et alors? Oui. Et alors, c'était bien? T'as ramonné longtemps ou? Bah non, en fait, je vais rassurer l'auditeur. Ça n'a pas duré très longtemps, en fait. Bah oui, forcément, mais vous avez recommencé après, j'imagine. Non. Ah. Non, plus jamais. Ah, c'était peut-être pas si bien que ça. Hein. C'était l'histoire d'une nuit après, ciao, quoi. Ah ouais, là qu'elle n'a pas eu envie de retourner avec toi. Ou c'est toi aussi qui n'avais pas envie. C'est elle. C'est elle, ok. En même temps, c'est voilà, une relation entre deux amis, c'est toujours un peu particulier. Et si c'est auprès d'elle que tu t'es confié, c'est que vous aviez une amitié assez forte, quoi. Ouais. Vous êtes toujours amis depuis. Ben amis, oui, bien sûr, on est toujours en contact, mis à part qu'on est un petit peu distant l'un de l'autre en géopositionnement, mais en position, mais c'est pas grave. J'ai toujours de ses nouvelles et tout, on se parle assez régulièrement, et puis dès que je dois me confier, que je dois poser des questions de fille, c'est toujours vers elle que je me confie en tout cas. Ça n'a rien changé derrière, ça n'a pas à non, votre amitié. Non. Et elle a même fait, enfin, je lui souhaite le meilleur, elle a fait sa vie, et c'est grâce à ça, enfin, c'est grâce à elle que maintenant je connais pas mal de choses. Justement, Alex, profite peut-être pour poser une question à Xavier sur sa première fois, et si t'as des trucs à lui demander. Non, pas particulièrement. Merci Alex, merci pour cette participation. Je suis d'une grande aide s'il a besoin, parce que j'aide beaucoup de mes amis en tout cas. Je suis un peu comme le doc. Ah, c'est vrai. J'aide beaucoup. Je suis une épaule. C'est tellement agréable d'avoir une épaule. Non, mais c'est vrai. Merci Xavier. Carrément. De rien. C'est vraiment cool. Tu restes avec nous, on va écouter le témoignage de Pablo aussi. Lui, ça s'est pas bien passé, je crois. Bonsoir Pablo. Oui. Salut. Ça va Pablo? Salut. Ça va bien et vous? Bah ça va bien, on est en direct de Tours avec Pablo, il a 20 ans. Ta première fois, c'était comment toi? C'était il y a combien de temps? C'était à 17 ans. À 17 ans, c'est la moyenne hein, généralement à peu oui, près. Oui, c'est ça, pour les garçons. Oui. Pour les garçons, pour les filles, c'est un petit peu plus tard. Non, c'est un petit peu plus tôt, les garçons, c'est un petit peu plus tard. Ah ouais? Les filles sont plus précoces. Pour tout. Ah ouais, ouais. Ah, sans déconner. Et alors, Pablo, dis-nous, comment ça s'est passé, toi, ta première fois? Ben en fait, alors déjà, c'était une très bonne pote à moi. On se voyait pendant les vacances, parce que vu que j'habitais ben, du coup sur Tours, et elle habitait dans le Loiret. Donc, on se voyait que pendant les vacances. Et en fait, elle était lesbienne. Donc, en fait, elle était en couple avec une fille depuis des années. Et moi, c'était juste une pote, voilà quoi. Et en fait, elle a déménagé. Du coup, je suis allé, pour lui faire une surprise à son anniversaire, je suis allé chez elle. Et en fait, c'est à partir de là où tout a commencé. En fait, elle s'est fait larguer par sa copine. Ouais. Donc, on va dire que j'étais un peu là pour la consoler, quoi. Bravo. Et on va dire qu'au fur et à mesure du temps, on s'est rapproché. Et puis voilà. Et puis, bah, elle avait ses règles. Donc, du coup, on pouvait pas faire quelque chose. Bon. Bah, pour la première fois, c'est limite, quoi. Oui, c'est sûr. Mais même pour les autres fois après. Oh, ça dépend. Ça dépend pour qui. Ah ouais, il y en a qui aiment bien. Hein. Pour toi, c'est comme ça. Bon, alors, vas-y, continue, Pablo. Donc, elle avait ses règles. Donc, là, il n'y a pas moyen. Et en fait, je partais deux jours avant et la veille de partir, en fait, ses règles. Donc, du coup, elle avait plus ses règles. Donc, du coup, on a décidé de le faire, etc. Sauf que, bah, avec préservatif, hein, toujours, évidemment. Sauf que le problème, c'est qu'au bout de deux, trois va-et-vient, madame m'a demandé de partir, enfin, de sortir, parce que sinon, elle allait crier trop fort. Enfin, elle aurait joui. Donc, sur le coup, je me suis dit, attends. C'est un peu le but, normalement, de faire jouer une femme pendant un rapport sexuel. Elle m'a un peu laissé sur le carreau, comme on dit, et ça s'est arrêté, puis je me suis retourné, je me suis endormi. Et je suis reparti le lendemain, et on est resté en contact, on est sortis ensemble, mais après on s'est séparés, et plus aucune nouvelle aujourd'hui. Ça n'a pas été jusqu'au bout, en fait, juste quelques va-et-vient. À mon avis, c'était une femme fontaine, et elle avait peur d'aller jusqu'au bout avec toi. Ah ouais? Bah ouais. Je sais pas. Mais il y a des chances, hein? Vous en avez reparlé depuis? Non, du tout. On s'est pas reparlé du tout. On n'est plus en contact maintenant au jour d'aujourd'hui. Elle a son copain de son côté et moi j'ai ma copine et ma fille de l'autre et on s'est plus reparlé du tout. D'accord. T'as dû avoir tellement mal aux couilles. Hein? Non, c'est vrai. En fait, je pensais pas à ça. Moi, sur le coup, je pensais juste à c'est une amie et je vais juste voir une amie chez elle pendant les vacances. J'étais pas pressé. J'étais pas en mode tiens, j'ai 17 ans avant la majorité. Faut que je fasse l'amour, quoi. J'étais pas du tout dans cette optique-là. Et maintenant que tu l'as refait depuis, tu te dis que c'est mieux de faire sa première fois avec une amie qui te dépanne pour savoir ce que c'est, pour être prêt pour l'amour que tu vas rencontrer après, ou de le faire avec quelqu'un avec qui t'as de vrais sentiments, une vraie histoire et tu partages un truc, quoi. Ouais, largement. Faut bien choisir sa partenaire et surtout faut être sûr de ses sentiments et pas que ce soit juste un plan cul, quoi. Après, oui, pour savoir ce que c'est. Parce qu'il y en a plein qui veulent juste se dépuceler, en fait. C'est bien souvent sûr. Ça. Oui, bien sûr. Ouais, après, moi, j'ai jamais eu de plan cul de ma vie. Je trouve ça. Après, je comprends le choix des autres. Hein, je comprends tout à fait. Ouais, mais moi, dans mon optique, moi, c'est hors de question. S'il y a du sexe, il y a le sentiment obligatoirement. Il y a de l'amour. Je suis obligé. Mais c'est comme ça. C'est vrai aussi que ça peut être un rite de passage. Et que parfois, à un certain âge, il y en a certains qui se disent bon, maintenant ça suffit, là, il faut y aller. C'est la pression des potes et tout. Oui, bien sûr. La pression sociétale après. Aussi, oui, vu l'âge que j'ai. Tous les autres l'ont fait, pas moi. Alors, effectivement, il y a quelques générations, on avait parfois les pères qui emmenaient leurs fils voir les prostituées pour que ça soit fait. Ah ouais, ça se passait comme ça dans l'ancien temps. On va voir ce week-end, on va aller voir les putes. Tu vas aller te faire dépuceler, mon fils. Ouais, sérieux? Oui. Ah putain! Moi j'ai plein de patients qui m'ont raconté ça comme histoire. Mais non! Leur première fois, c'est ça. Mon père a pris la Cadillac. Après, t'allais voir les putes. Non, mais c'est 20 boules quoi. En plus, à l'époque, c'était pas cher. Non, mais c'est vrai. Et alors, Alex, t'as peut-être une question à poser à Pablo? Non. Merci de ta participation. J'en étais sûr. Ça fait plaisir. Louis, notre auditeur du soir. Fait ça pour toi, Alex, quand même. Bien sûr. Je rappelle que toutes ces. Il y a un truc que personne n'a dit. Louis, je pense que tu peux le dire, mais je vais même te tendre la perche. Hein. C'est quand même hyper naturel la première fois. Tu sais, on se pose plein de questions et au final, quand ça rentre dedans, je sais pas, tout vient naturellement, quoi. Non, en même temps, c'est pas bien compliqué. C'est ça. Hein, c'est vrai? Mais c'est ça en fait, il n'y a pas de question à se poser, hein. On commence à se toucher, à se faire des câlins, des bisous, et puis il faut qu'on est dedans, qu'on est au chaud, Et l'autre, il nous parle de la cheminée, là il est dans sa grotte bien au chaud. Hein, Louis, c'était avec qui la première fois? C'est toujours avec ma femme, que je suis toujours avec. D'accord, t'as connu qu'une seule partenaire sexuelle? C'est ça. D'accord. Ça fait combien de temps? Ça c'est officiel, mais... Que je suis avec ou que... Ça fait combien de temps, que tu es avec, que tu as fait l'amour avec elle pour la première fois? Alors, ça fait 10 ans qu'on est ensemble et ça fait 9 ans que ça s'est fait. Ok, d'accord. La seule et unique, c'est beau. C'est une belle histoire, quoi. Ça existe, il faut le dire, ça existe. Mais bien sûr, avoir un seul partenaire sexuel durant toute sa vie, quoi. Il y en a qui pourraient pas. J'imagine. Il y a plein de gens qui ne supporteraient pas. Non, mais c'est évident. Faut trouver la bonne personne. On pourra en parler de ça. On en parle demain. Non, on en parle quand vous voulez. Ça y est, c'est noté. Alex, peut-être une petite question à poser à Doc, à l'équipe. Peut-être à Doc. Ah ouais. Est-ce qu'il y a un réel besoin de tromperie après une longue relation ou non? Dans certains cas que l'on peut observer chez l'être humain. Toujours dans le comportementalisme. Oui, c'est très observateur, Alex. Il n'y a pas nécessité de tromperie. Tout ça, c'est des histoires de relations, de couples, de vécu. Ça se fait, ça se fait pas. Maintenant, il n'y a pas nécessité de tromperie, heureusement. Après, il y a des choses dont on parle, dont on peut parler dans un couple, de savoir si à un moment donné, on a envie de l'ouvrir. Ou non, c'est la fidélité qui est importante et chacun doit trouver son propre équilibre dans ces idées-là. Il y a des couples qui sont très bien dans la fidélité et puis ça leur va très bien et puis il y a personne d'autre à côté et puis il y en a d'autres qui ont besoin à un moment donné de se dire j'ai besoin de l'ouvrir à autre chose. Voilà, si les deux sont d'accord et que ça n'arrive vraiment d'un commun accord, pourquoi pas. Ça dépend des caractères. Puis de chacun de sa propre histoire, de ce que t'as vécu en général comme modèle parental aussi. C'est-à-dire qu'est-ce que les parents gens t'ont imprimé comme modèle. Est-ce que c'est la fidélité? Est-ce que c'est plus l'ouverture, le plaisir? Voilà. Et puis la communication aussi. Ouais. Bah écoute, Alex, dans un premier temps, ne le fais que si tu te sens vraiment prêt. Hein, et puis, on se rappelle dans une semaine. Hein. Ok. Dimanche. Je peux poser une autre question ou pas? Ouais, bien sûr, tout à fait. Question à la demande. Ouais, chez les animaux, ça peut faire le même comportement ou pas? Mais les animaux, c'est à l'instinct, Alex. Donc ça dépend vraiment des... Tout dépend des animaux, logiquement. Mais oui, parce qu'il y a des animaux qui sont réputés comme étant hyper fidèles, et il y en a qui pratiquent l'inceste très régulièrement. Donc tu vois, il y a de tout et rien. Il y en a qui sont multipartenaires, il y en a qui sont monopartenaires. Oui. Ouais, et puis il y a Coco du Standard qui a une petite info. Vas-y, Coco. Non, il s'est foutu de ma gueule tout à l'heure dans les studios, dans les bureaux, parce que j'ai parlé de la menthe religieuse. Ah bon, qu'est-ce qu'elle fait, la menthe religieuse? Et ben, la menthe religieuse, après son premier rapport avec son mari, elle le tue. Elle le tue? Mais ils sont vraiment mariés? Non, elle le mange. Avec son mari, tu sais. Et avec son petit chien. Alex, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci. On te fait des gros bisous et tu nous rappelles quand tu veux. Tu sais que tu seras toujours le bienvenu ici, Alex. Puceau ou pas puceau? Et des stress. D'accord? Ouais, ça va être fluide, c'est simple, c'est cool, vas-y tranquille. Ne pose pas trop de questions. Salut Alex. Salut. On salue également notre épaule sur laquelle on peut se reposer à tout moment. Oui. Xavier, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup, Xavier. Bien sûr, avec plaisir. Avec un énorme plaisir. À bientôt, Xavier. Un gros bisou à Clara, je crois que c'est la standardiste, je crois. Pas du tout. C'est Méloche. Méloche au standard. Et Clara, elle s'occupe de tout l'artistique ici. Mais on l'embrasse. C'est une artiste. D'accord, mon Xavier. Je tiens à te dire que tu as une très belle voix quand même. Ah là là, encore un qu'elle a payé. Non, je ne l'ai même pas payé celui-là, pour une fois. Xavier, on te la repasse en antenne, d'accord? Pas de soucis, un gros bisou à tous. Salut. Bisous, salut. Gros bisou, le cutard. Pendant les vacances, de 22h à minuit, retrouvez les meilleurs moments de Love in Fun sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio. Dans un instant, on se posera une vraie question. Est-ce que vous avez déjà été en couple avec quelqu'un qui faisait passer autre chose avant vous? Ça peut être son boulot, sa passion, le sport. On aura beaucoup de réactions et de témoignages. Vous bougez pas, c'est Love in Fun sur Fun Radio.

à minuit, le meilleur de Love in Fun sur Fun Radio. Et on va prendre des nouvelles de Christophe, 16 ans de Brétigny. T'es là, Christophe? Ouais, je suis là. Salut. Salut. Salut, salut Christophe. Salut. T'étais passé à l'antenne. C'était quel jour t'es passé à l'antenne, toi? C'était un mercredi soir, si je me trompe pas. Mercredi soir, t'es passé sur l'antenne. T'es venu nous demander des conseils parce que t'étais un petit peu timide. Tu voulais des conseils pour draguer. Ouais, c'est ça. Donc, on t'avait filé pas mal de conseils dans un premier temps. Dans un second temps, t'avais fait passer un quiz pour savoir comment tu te débrouillerais selon certaines situations. Ouais. Et dans un troisième temps, on t'avait fait appeler une call girl pour tester un petit peu ta timidité et la drague avec une call girl. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on réécoute ce petit passage-là, qui était bien sympathique. Et derrière, on débriefe ton petit week-end où t'as justement eu l'occasion de tester ta nouvelle façon de draguer. Ok, pas de souci. On écoute. Voilà, elle m'a dit, j'aimerais bien faire une petite rencontre. Elle est fraîche et tout? Ah, elle est super fraîche, ouais. Ah, elle a pas 17 ans, elle a 18 ans, pardon. Elle est majeure. C'est pas grave, ça passe. Ah, ouais. Ah, si, commence à se la péter et tout, tu sais. Ouais, c'est pas grave, ça passe. Ouais, vas-y. Allô? Allô? Oui. Oui, Sandra, c'est Christophe. Enfin, on se connaît pas, mais on pourrait faire connaissance. C'est pour savoir. Merde, je commence mal. Pour savoir si on peut faire connaissance. Oui, bien sûr. Alors, j'ai appris que tu étais célibataire. Tout à fait. Alors, moi, je m'appelle Christophe, j'ai 16 ans, je viens des Tempes. Et voilà, je veux savoir plus. Tu viens d'où, voilà? Eh ben, moi, je viens de Paris. Paris, ok. T'as quel âge? J'ai 25 ans. T'as 25 ans? Oui. J'ai 16 ans. Je suis célibataire depuis un bail. En relation... ça fait un bail que je suis célibataire. Du coup, j'aimerais bien avoir une fille. Et mon truc, c'est que je suis nul en amour. Hein. J'arrive pas. Je suis beaucoup stressé à chercher une meuf, tout ça. Du coup, c'est pour savoir si on pourrait se rencontrer un jour pour parler plus face à face. Parler ou faire des choses? Bah, faire pour savoir si t'étais libre pour faire pour parler pour se connaître un peu plus. Et juste parler dans un bar, pas aller dans une chambre d'hôtel et genre. Non, dans un bar. Non, tu voudrais pas que je m'occupe de toi dans un hôtel? Non, t'inquiète. Dans un bar, on parlera, je t'inviterai au resto, voilà quoi. D'accord, je vois. Oui, parce que moi j'aurais pensé aller dans un hôtel et pouvoir t'apprendre deux, trois petites choses. Peut-être se connaître avant. T'as pas besoin. Peut-être se connaître. Je vois pas l'utilité. Ouais. Bon, allez, Christophe. Après, c'est toi qui vois, hein. Allez, bon, Sandra. Salut, Sandra. Bonsoir. Salut, je suis son grand frère. Ça va? Ça va et toi? Oui, y a pas de problème avec l'hôtel. J'y vais tranquille. C'est cool. Alors, Sandra, t'es en direct sur Fun Radio, Sandra. Ok, d'accord. Ok. Et on est avec... parce qu'en fait, Sandra, c'est son métier. Hein. Elle travaille dans la téléphonerie rose. Voilà, c'est ça. Hein? C'est pour ça qu'elle t'a un peu chauffé, Chris. Hein, et ça, que toi, tu dis non, je veux juste... Là, Christophe, t'avais moyen d'avoir un truc exceptionnel et t'es complètement passé à côté. Hein, puisque Sandra... bonsoir, Sandra, ça va bien? Ça va bien, et toi? D'accord, bah super. Donc, t'es en direct sur Fun Radio dans Love in Fun. Je m'appelle Karel, il y a Alice, il y a Doc. Salut. Salut. Ouais, tu l'as trouvé comment, Chris, d'ailleurs? Ouais. Alors, on aimerait faire un petit débriefing parce que Chris nous a dit, voilà, moi j'ai du mal à draguer, je sais pas trop comment m'y prendre avec les filles. Donc on s'est dit qu'on allait faire un petit test en direct avec toi, en t'appelant, voilà. Et qu'est-ce que t'as pensé de Christophe? Bah, très timide. Très timide. Un peu trop. Ah bah oui, c'est ça. Un peu trop, s'il est comme ça avec les filles, ça va pas être facile pour lui. Ça va pas être facile pour lui. En attendant, moi j'avais le sentiment que Christophe était plutôt à l'aise et qu'il avait déjà progressé avec tous les bons conseils qu'on lui avait donnés. Christophe, t'as eu l'occasion ce week-end, je crois lors d'une fête foraine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Un petit Luna Park? Non, c'était la fête aux haricots à Arpajon. La fête aux haricots à Arpajon. Ah bah voilà, ça s'invente pas un truc comme ça. Alors, moi j'ai la fête de la moule à Lyon, en Bretagne. Toi t'as la fête du haricot. Et alors Christophe, qu'est-ce qui s'est passé à la fête du haricot à Arpajon? Bah, en gros, j'étais dans un stand de tir à la carabine. Ouais. Et genre voilà, tir au ballon avec des plombs. Et là, genre, je fume ma clope au calme en tirant. Ouais. Et là, genre, il y a une meuf à côté qui me regarde, qui me fixe, je comprends pas. Ouais. Je la regarde une fois à droite. Après, la deuxième fois, quand j'ai tiré le deuxième boulon, je la regarde, elle me sourit. Oh. Genre, je regarde, voilà, tout le temps, je regarde, ça me sourit, je sais pas, ouais, c'est un truc. Et là, je tire, j'ai gagné un pistolet à billes et un doudou genre en cœur, tu vois. Une peluche, ouais. Et genre là, je sais pas, j'y me demande est-ce que tu la veux, tout ça, tu me regardes et tout. Après, genre, elle me dit pourquoi pas, tout ça. Et genre, après, j'y demande est-ce qu'on peut aller boire un verre au bar jusqu'à juste là à droite, à 5 minutes. Et genre, elle me dit bah pourquoi pas, tout ça. Et après, on s'assoit et tout, on commande un petit verre et tout. Et là, genre, elle me sort, enfin, que c'était gentil, tout ça, très charmant, très ravissant, très gentil et tout. Et là, genre, à la fin, comme un con, je lui demande est-ce que tu veux sortir avec moi, tout ça. Oh, mais pourquoi t'as dit ça? Ça se dit pas. on t'avait dit de pas le dire. Mais oui, ça se demande ouais, pas. Ouais, ouais, c'est vrai, être courageux, tout ça. Mais bon, après, genre, la meuf, elle m'a dit ouais, non, on se connaît pas, désolé, tout ça. Bah oui, parce que ça veut dire, genre, est-ce que tu veux te mettre en couple avec moi? Tu vois, ça se dit pas. C'est genre, est-ce que tu lui proposes de la revoir dans un premier temps, tu vois? Et si vous devez vous mettre en couple, ça se fait naturellement. C'est quand on est en primaire, tu vois, qu'on glisse des mots dans la poche. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Coche oui, coche non, coche ta gueule. Enfin, tu vois. Mais au final, fin, là, t'es un peu plus âgé et c'est un peu dépassé tout ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Déjà, t'as eu de la chance qu'elle accepte le nounours en forme de cœur, hein, parce que moi, j'aurais flippé. Ouais, oui. Ah ouais. Ah mais bien sûr. T'as un mec avec une carabine à la main qui te donne un nounours en forme de cœur. Bah, tu l'acceptes gentiment, mais. Mais la fille regardait et tout. Ça, je trouvais ça mignon. Oui, petite scène de film, quoi. Jusque là, c'était joli. Ouais. Bah alors, au final, Christophe, j'ai l'impression que c'est un échec ton histoire. Mais non. C'était presque bon, mais là c'était vrai un échec, ouais. Okay. Mais non, mais il a avancé. Victoire. Oui, oui. Mais il a avancé quand même. Il y a eu contact, tu l'as invité à prendre un verre à la petite buvette de la fête du haricot. Et puis, enfin, tu vois, il y a eu un contact, t'as pas eu peur et t'as fait le premier pas. Donc pour moi, c'est ouais, une voilà, putain de victoire. Ouais, et puis, grâce à vous, merci. Et puis tu as vu qu'en revenant sur ton ancienne façon de faire qui était de poser ce genre de questions d'emblée, et ben voilà, ça marche pas. Hein. Donc c'est bien cette manière de faire qu'il faut éliminer et éviter et y aller beaucoup plus cool. Continue sur cette voie-là et t'hésites pas à nous rappeler, Christophe. Hein. Ok, ouais. Et c'est grâce à toi, c'est pas grâce à nous. C'est toi qui as fait la démarche, on n'était pas là. Et je pense qu'en plus de ça, tu nous l'avais pas dit, mais ce côté un peu DJ, ça peut pécho en soirée. Hein. Bah, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Bien sûr. Ouais. Salut mon Christophe. Le best-of. De 22h à minuit sur Fun Radio. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur Fun Radio. Imaginez, vous êtes avec votre copain, votre copine, et puis à un moment donné, la personne vous dit c'est soit ton métier, soit moi. Le dilemme, on va en parler puisque c'est Jérémy qui vivait ça. Il y avait beaucoup, beaucoup de réactions justement. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone. Et le retour de Love in Fun, c'est dans moins de 3 minutes. À tout de suite. How can I say what I believe in? Finally believe in you. I travel many roads, and I know one road to choose. Now my world is never changing. There's anything I can do, 'cause I found you. I found you. I found you. I found you. 'Cause I found you. I found you. 'Cause I found you. 'Cause I found you.

Une personne justement qui nous a appelé s'appelle Perrine. Bonsoir Perrine. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Salut. Tu as 25 ans, tu es bretonne, tu es de ouais, Rennes toi Perrine. Et justement il y a quelques secondes tu viens de nous dire que tu avais eu un contact avec une personne décédée. Oui, avec ma maman exactement. Avec ta maman. Est-ce ouais, que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire? Bah, si tu veux, en fait, je la voyais tous les jours pendant 3 semaines. Enfin, je lui parlais, j'avais l'impression qu'elle me répondait alors qu'elle était pas vraiment là, quoi. Est-ce qu'on peut juste, Perrine, revenir, parce que ta maman est décédée. Est-ce que tu oui, peux nous dire, c'était il y a combien d'années? C'était en 2009. En 2009, d'accord. Ça va faire 10 ans l'année prochaine. Très bien. Et là, c'est récemment, depuis combien de temps tu as eu la sensation de voir ta maman comme une espèce de fantôme? Bah, c'est quand je suis très triste, en fait, que je la vois devant moi. Comment je peux expliquer, c'est compliqué. Quoi. C'est comme si elle voulait me réconforter pour me dire que tout irait bien. C'est compliqué à expliquer. C'est toujours compliqué à expliquer. Qu'est-ce que tu vois, toi, de tes yeux? Tu vois une forme? Tu vois le visage de ta maman? Qu'est-ce que tu vois exactement? Je la vois carrément. Tu la vois comme si j'étais ouais, en face de toi Ouais, c'est ça. C'est fou, ça. Grave, c'est dingue. Enfin, ça me paraît... Tu peux la toucher? Ouais, c'est ça. Bah, ça passe à travers, quoi. passe à travers. J'essaye de l'attraper, mais ça disparaît. Et est-ce que t'as la sensation que ça se produit vraiment, ou ça se produit dans ta tête parce que c'est toi qui te sécurises avec cette image-là, parce que tu aimerais justement qu'elle soit là, ou vraiment tu te dis, elle est là, elle m'envoie un message, ou ça se passe entre toi et toi-même? Tu le ressens comment? Non, j'ai l'impression vraiment qu'elle est là à côté de moi, quoi. C'est ouf. Mais oui, Yvette, tu parlais des trois semaines où tu l'as vu d'affilée tous les jours. Ça, c'est au moment de son décès, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Maintenant, depuis, c'est-à-dire il y a 10 ans, tu la vois quelques fois par-ci par-là quand t'es vraiment très triste. Ouais, c'est ça. Ce qui arrive à peu près tous les combien? Je dirais 2-3 fois par mois, quoi, quand même. Ah, 3 fois par mois. Oui. Elle est décédée dans quelles circonstances? Elle a fait un AVC. D'accord. Okay. Elle avait quel âge? 49 ans. Et comment tu le vis, le fait de la voir? Est-ce que tu as la sensation que c'est un avantage pour toi, que c'est comme un truc que tu as en plus des autres, que tu peux avoir encore contact avec elle, ou au contraire, ça t'effraie et t'aimerais ne pas ressentir ça? Dans un sens, je suis contente de la voir, mais dans un sens, ça me fout les boules, en fait. Ah oui, c'est sûr, c'est flippant. La première fois, t'as dû te dire, je suis complètement folle. Et alors, moi, vas-y, termine, après j'ai une question. Je me suis réveillée, oula, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'étais pas bien. Bien sûr. Et alors, mais après, tu t'y habitues, quoi. Est-ce que t'as été en parler justement à quelqu'un? Est-ce que ça t'a petit peu affolé? Non, c'est vraiment quelque chose que t'as gardé un peu pour toi. T'en as parlé avec des gens autour de toi ou pas? Non. Jamais. Donc c'est la première fois ce soir que tu en parles. Ouais. Bon, tu fais bien, parce qu'ici nous on juge personne. Hein, et ah bah non. On te dira jamais que c'est pas possible et que c'est pas vrai, que parce que la science d'ailleurs, Doc, n'explique pas ces phénomènes. Non. En tout cas pas aujourd'hui. Bien sûr. Et puis des choses qu'on n'explique pas, il y en avait plein dans les décennies et les siècles auparavant. Et puis aujourd'hui on les explique. Peut-être qu'un jour, on aura des explications scientifiques qui seront possibles. Aujourd'hui, on n'a pas les outils, on n'a pas les moyens et on ne sait pas faire. Voilà. Est-ce que pour autant, on doit dire que ça ne doit pas exister? Ce que vont faire beaucoup de gens, et évidemment beaucoup de scientifiques, en disant ça, tout ça, c'est des bêtises, c'est des conneries, parce qu'on ne peut pas le prouver, on ne peut pas le montrer, ce que vous dites est faux. Moi, je ne suis pas persuadé. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent plein de choses qui ne sont pas explicables aujourd'hui, qui le seront peut-être dans des centaines d'années. C'est pas pour autant qu'on doit leur dire que ce que vous vivez n'est pas vrai. Voilà. En tout cas, il faut les écouter et les entendre, en tout cas. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on vous donne la parole ce soir. Alors Perrine, ça va vraiment t'intéresser ce qui va se passer dans un instant, puisque justement on va recevoir Bruno, qui a ce pouvoir de pouvoir communiquer justement avec les personnes décédées. Ouais. Ce sera l'occasion justement peut-être, Perrine, de lui en parler et tout, et de lui demander un petit peu ce qu'il en pense. On va faire ça? Je suis pas trop motivée là, du coup ça me... Non mais attends, Perrine. Ah non, c'est pas lui, essayer de le faire entrer en contact avec ta maman, on n'est pas du tout là-dessus. Peut-être juste lui expliquer ce que tu as vécu pour voir, parce que peut-être qu'il a déjà entendu parler de ça, tu vois, te rassurer en te disant qu'il y a d'autres personnes. Peut-être que lui-même, c'est comme ça qu'il communique avec les personnes de l'au-delà, comme on dit. Ouais. Donc voilà, enfin vraiment ça pourrait peut-être t'éclairer, mais pas du tout partir avec un délire avec ta maman à toi. Ah carrément. Non, bien sûr que non. Aucun problème. Là, j'en suis pas prête. Au contraire, c'est absolument pas ce qu'on te proposait, Perrine. C'était juste, justement, d'en parler avec lui pour justement savoir si lui aussi a déjà vu ce qu'on appelle des fantômes. Enfin voilà, il va nous raconter tout ça dans un instant. Love in Fun. De 22h à minuit. Le best of sur Fun Radio. Restez bien avec nous. On revient très vite sur Fun Radio avec une petite question à la con. On se régale jusqu'à minuit. C'est le best of de Noël. Love in Fun sur Fun Radio. This girl came up to me. Thought I looked really cool. Singing on TV. Said I wanna be like you. Cause your life is perfect. You got no worries at all, so tell me your secret. What do I gotta do? She go, how does it feel living the dream? How does it feel living the dream all the time? She said, I gotta have this, wanna be rich. I gotta have this, wanna be rich in this life. Told her I struggle to pay the rent. My dog is my only friend. I spend every day I've got being somebody I'm not. I made After a show, she wanted to do it in the back of my Volvo. Said, would you like to know me first before we take off our clothes? She said, you're rich and famous, and that's all I need to know. She go, how does it feel living the dream? How does it feel living the dream all the time? She said, I gotta have this, wanna be rich. I gotta have this, wanna be rich in this life. Told her I struggle to pay the rent. My dog is my only friend. I spend every day I've got being somebody I'm not. I made it all the way up, but somehow it's still not enough. I spend every day I've got being somebody I'm not. Somebody I'm not. Somebody I'm being somebody I'm not. Somebody I'm somebody I'm somebody I'm somebody I'm not. Ici, c'est Fun Radio. Say my name, if you love me, let me hear you. Fun Radio. Le son Dance Floor. Let me tell you how it happened. I wasn't looking for someone that night. I was never a believer, but you could fall in love at the first sight. But we took a Polaroid, you signed your name. up on me. I put it in my wallet, hoping I see your face again. 22h minuit. Love in fun. Le best of. Sur Fun Radio. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. Attention! Attention, petite alerte question à la con, parce qu'il n'y a pas de question con ici sur Fun Radio dans Love in Fun. Vous pouvez venir poser toutes les questions. Louis, notre auditeur du soir, 27 ans à Épinal. Toujours là. Toujours là, t'es où là d'ailleurs là, Louis? Je suis chez moi, je suis tranquille. Chez toi, à côté d'un clic-clac? C'est démodé ça. Non mais le clic-clac, quand t'es étudiant et tout, c'est nickel, ça fait l'affaire, hein, vraiment. Ah bah oui, pour dépanner, oui, c'est bien. Et bien sûr. Alors Louis, t'es chez toi, qu'est-ce que tu fais chez toi? Rien, je suis posé, je suis tranquille, je vous écoute. Avec, je me fends bien la poire. Avec nous, et depuis 22h jusqu'à minuit, tu te fends la poire, et ça, ça fait plaisir. Et Louis, t'avais une petite question con à nous poser ce soir. Oui, je pense qu'elle est bien con, mais on va quand même la poser. Est-ce que le sperme fait blanchir les dents? Ça, c'est une question qui revient souvent. Oui, c'est vrai. Est-ce que le sperme fait blanchir les dents? Il paraît que c'est très efficace, Doc. Pas du tout. Absolument pas recommandé, déjà. Je rappelle, de mettre du sperme dans la bouche, ce n'est absolument pas recommandé. C'est prendre des risques. En tout cas, pour ce qui est du VIH. Bien sûr. Entre autres. Donc déjà, à ne pas pratiquer, à part, alors après, quand on est dans un couple stable, évidemment, ça pose moins de soucis. Mais non, ça n'a aucune vertu de blanchiment des dents. Alors, ça ne fait pas blanchir les dents, ça fait peut-être maigrir quand même. Si tu ne manges que ça, oui, c'est possible. Ah, mais c'est bon, quand même. C'est assez restreint comme régime. Bien sûr. Ça manque un peu de variété. Alors, quel goût ça a, le sperme, Louis? Bonne question. Alors, ça dépend peut-être des aliments qu'on mange, je sais pas. Non, mais attends, t'as jamais goûté ton sperme, Louis? Non, mais je voulais tester pour voir, vu que je fume, vu que ça fait chaunir les dents, la fumée, voir si... bon, on va éviter, en fait, finalement, hein, on va éviter. Ah, mettre du sperme sur ta brosse à dents? Bah, déjà, faut bien viser. C'est hein. Parti, il y a mon petit coup de brossage. Ah, mais c'est dégueulasse. Putain, je goûte ce que je peux faire goûter à quelqu'un, quoi. Enfin, je veux dire, c'est normal, non? On dirait un petit artisan, tu sais, qui ouvre son petit truc sur le marché. Ah, moi, je goûte tout ce que je produis, hein. Pour voir si la cuvée est exceptionnelle ou pas. Et donc tu fais ça tous les combien? Mais pas du tout. La récolte. Non, mais il m'est arrivé au moins une fois de comme ça là. Mais pour quelle occasion? C'est-à-dire que, genre par exemple, tu te branles, t'éjacques sur ton ventre et là tu laisses traîner un doigt et hop, tu goûtes. Tu fais quoi? Comment ça se passe, quoi, tu vois? Écoute, j'ai pas de souvenir exact. Kassim, oui. T'as déjà goûté? Mais bien sûr que j'ai déjà goûté. Ah, voilà, merci. J'ai l'impression d'être le seul con à avoir goûté son sperme. Mais tu gargarises pour bien connaître le goût. Non, mais tu goûtes. Enfin, je sais pas, Coco du standard. J'ai jamais goûté, je te jure. Putain, mais je vais te faire goûter le mien, tu vois. J'arrête les conneries, hein, sans déconner. Eh Louis! Mais il a raison, ça varie en fonction de ce que tu manges. Ah, voilà! Et alors, fouillons un petit peu, parce que ça c'est intéressant, Doc. Suivant ce qu'on mange, c'est-à-dire que si on mange par exemple beaucoup d'ananas. Ça va avoir le goût, ananas. Si tu manges par exemple les épices, le curry, tout ça, ça aromatise beaucoup. Si tu manges très sucré, ça va avoir un goût plus sucré. Si tu manges très salé, ça va être plus salé. Voilà. T'as déjà remarqué ça, Alice, le changement de goût du sperme ou pas? Bah alors écoute, je pense qu'il faut, à mon avis, consommer uniquement de l'ananas et que de l'ananas pour que ça sente l'ananas. Mais oui, j'ai déjà remarqué des différences, pas forcément de goût, parce que je ne goûte pas toutes les cuvées que l'on me propose, mais des différences d'odeur, tu vois, d'un mec à l'autre et tout, tu vois. Donc oui, c'est différent. Okay. C'est différent. Et même la texture et tout, mais bon, après, voilà, c'est particulier. Ah, ok. De 22h à minuit. Retrouvez les meilleurs moments de Love in Fun sur Fun Radio. Ah bah c'était bien. Oh la soirée. Quelle émission. Quelle belle soirée. Encore. Alors Kassim, tu vas terminer l'émission par une petite blague, j'ai décidé. Oula. Allez, c'est parti. C'est un tétard, il croyait qu'il était tôt, mais en fait il était tard. Très bien. Oh putain, quel nul. Ça promet pour 2019. Alors, notre nouvelle résolution pour 2019 sera bien sûr de se débarrasser de Kassim. Qu'il ne parle plus. Eh oui, Kassim, on t'en avait pas parlé, on voulait te laisser la surprise. Ah, hein. J'ai plein de cadeaux, c'est ça. 2019, tu ne verras plus Love in Fun. T'imagines. Bye, my friend. Goodbye, my lover. Je vais chialer, putain. It's so beautiful. Donc, termine cette chanson. Non, mais il y a une vie après, tu sais. Ah ouais, c'est toujours ce qu'ils te disent, tu sais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas. Et rendez-vous, justement. Alors, on revient le 6. C'est ça. Alors, vous inquiétez pas, on va pas vous laisser comme ça, hein, dans la nature, hein, pendant plusieurs jours. Nous serons présents sur tous les réseaux sociaux, Alice. Oui, exactement. On est présents sur le Facebook, l'Instagram, le Snapchat, Love in Fun Radio. Et puis, de toute façon, si vous êtes en manque de nous, en manque de Love in Fun, on a toutes nos vidéos présentes sur le YouTube de l'émission pour voilà, revivre les bons moments qu'on vit tous les soirs entre 22h et minuit. Et on a hâte, en tout cas, de vous retrouver. Passer de très, très belles fêtes. Passer un excellent réveillon pour voilà, fêter cette nouvelle année, la 2019. Prenez bien soin de vous. Oui. On vous donne rendez-vous le 6. On vous fait tous des gros bisous. Et passez une belle nuit. Bye bye. Bisous. Bisous. Bisous. Party Fun avec Sam. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Minuit. Pendant les vacances, les meilleurs DJ sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. WNW, Nicky Romero, Don Diablo, Bob Sinclair, Oliver Eldon, Riyab, Deadmau5, Simi Trumpet, Jonas Blue, Lucas Enstein, Sunry James et Ryan Marciano, Nervo, Florian Picasso, WNW, Nicky Romero, Jonas Blue, Bob Sinclair, Oliver Eldon, Riyab, Deadmau5, Simi Trumpet, Sunry James, Florian Picasso. Party. Fun. Et maintenant, Martin Solveig mix dans Party Fun sur Fun Radio. Martin Solveig, en mix. I don't wanna hurt you, no.